Canal Cinéma. Retrouvez votre radio dédiée au 7e art. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le pipi, vous rappellera nom d'une pipe. Sur le www.canal-cinéma.fr.